tu peux voir un toit d'église depuis longtemps désenchanté, et qu'il y ait sous ta chemise l'envie de le ressusciter, tu seras vendé.